C'est très facile pour nous autres, les hommes, c'est très facile pour nous autres, les hommes, de perdre conscience. C'est très facile pour nous autres de perdre conscience et d'avoir l'impression d'être conscient. C'est très facile pour nous autres de perdre conscience et d'avoir l'impression qu'on devient plus conscient. Puis ça peut se faire en même temps. Ça. En même temps.